Écoutez ici le son des vacances. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur CGFM. C'est une bonne soirée, c'est Ludo qui vous amène le mix de Ludo vendredi samedi 21h-23h. Tour GFM. Que ce morceau a 23 ans. Monsieur Jean-Jacques Goldman. Musique d'attente de son dernier concert. Bordeaux in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi j'arrive sur mon Vespa. On me dit tu rentres pas. Pa. VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi, devant le club VIP, y'a plein de Lamborghini. Moi, j'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas. Oh, Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Oh, samedi à 21h sur GFM. don't care because you can get a thump outside those doors. And you get that feeling all over again, and you get that chill, and you get that feeling all over again, and you get that chill, and you get that feeling all over again, and you get that chill, and you get that feeling all over again, and you get that chill. Maybe I wanna do. Whatever's on your mind. Maybe I wanna do. Whatever's on your mind. Some things about your mind. Do you have a man you claim? Are you doing your own thing? Cause if so, then I can't leave without your name and your number. Where you live? Can I call you sometime? Wait a minute, better yet, I'll give you mine. Don't you get yourself. Who you be? Yeah, but I can't wait. Can I be it? Let me know. Before you go, I just want to know. Maybe I wanna do whatever's on your mind. You'll make it all come true. Peine, ma peine, que la haine, ou ma honte, ma pleine. passage. Tu y peines et moi la tête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer. Table-toi et tes apôtres. Je m'en vais. Silence, and the people bowed and prayed to the flash down in his morning, and the words that it was falling, in the signs and the words on the prophets are written on the subway walls, in tenement halls, in whispered in the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people near. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. And no one dared disturb the sound of silence. That's just how I feel. We'll be right back. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. En sorcelle moi, enamora me. Impressionne moi, enamora me. Abandonne toi, enamora me. Prends-moi folle de toi. Enamora me. En sorcelle moi, enamora me. Impressionne moi, enamora me. Abandonne toi, enamora me. Prends-moi folle de toi. When you see le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Sorgia FM. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Thank you. calamité faussée, ça rend le bolobo. Tout ce temps cassé, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Chérie me rend loco, bébé me rend loco. Chérie me rend loco. Chérie me rend loco, bébé me rend loco. Chérie me rend loco. Dis-moi, on y va si tu me voles. Oh oh oh, manco. Là j'ai senti mon manco. Un voyage sur la côte, bébé, j'paye le prix s'il le faut. Ah, oh, s'il le faut pour toi. Pour acharner le coco. Diamant 5 mois, c'est fait. T'auras le même sur ton doigt. Amitié, faussée, ça rend le bolobo. Tout ce temps cassé, ouais, ça rend le bolobo. Tout ça pour rien, ouais, ça rend le bolobo. Le mix de Ludo. Sur GFM. Bon morceau pour apprendre à compter. Bonne soirée à vous, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h-23h. Faut que je passe à la SPA, j'ai un chat dans la gorge. Il recommence. Hein. Le CP est pas loin. I was Petit souvenir. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Il est interdit de taper dans les mains. Et surtout, il est interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même temps. Attention! Thank you. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Bonne soirée à vous, il nous reste encore 22 minutes à passer ensemble. Petit souvenir. Scooter, dans les années 90, Rhapsody in A. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Le mix de Ludo. Pour une nouvelle édition du mix de Ludo. Bonne soirée à vous, faites attention à vous si vous sortez et rendez-vous la semaine prochaine. Étienne de Grécy. Il est bientôt 23h. Nous sommes un couple de 36 et 37 ans, charmant, sympa et très ouvert. Moi, je suis mignonne, bisexe, très jouisseuse et gourmande. Lui, il est prince, sportif, viril. Nous recherchons une femme de 18-45 ans, très bisexe pour relation à 3. Pas de pénétration envisagée. Nous recherchons aussi des échanges de cassettes perso ou des soirées avec couple. Contactez-nous.

Ludo in the mix, Ludo in the mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM.